Ok, j'ai compris. Quand je vais aller à l'épicerie, je vais penser à ton father, puis je vais penser aux agriculteurs. Fini la margarine, maintenant le baleine. Parce que ça aide les agriculteurs. Fini la margarine, maintenant la baleine, parce que ça aide les agriculteurs. Wow, wow, wow, wow, wow, ça aide les agriculteurs. Wow, wow, wow, wow, wow, ça aide les agriculteurs. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, ça aide les agriculteurs. Ok, je compris. T'acheter du sport, ça aide les agriculteurs. Ok, je compris. Thank you.